et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état latent jusque-là se déclare, pouvant n'avoir influé en rien sur lui, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries. Si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir, alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, ni qu'il eût été, plus ou moins qu'un autre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu, ce qu'on aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurin. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin et qu'il considérait, un peu en gros, comme tombé, tout en gardant de nombreux millions, dans la bohème et la racaille. Un jour, il reçut une lettre de Swann lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurin. « À la garde ! À la garde !» s'était écrié mon grand-père. « Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien par là que devait finir Swann. Joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande parce que je ne connais plus ce monsieur. Et puis, ça doit cacher une histoire de femme. Je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah bien, nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurin. » Et sur la réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurin. Les Verdurin avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et Madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auxquels s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais, d'une façon certaine, de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard, il ajoutait à toutes ces expressions de physionomie l'offre d'un sourire conditionnel et provisoire, dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté, si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais comme, pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage, on y voyait flotter perpétuellement une incertitude où se lisait la question qu'il n'osait pas poser. « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue et même en général dans la vie que dans un salon, et on le voyait proposer aux passants, aux voitures, aux événements, un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, si elle n'était pas de mise, qu'il le savait bien et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points cependant où une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes et de compléter son instruction. C'est ainsi que, sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu, sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour les locutions, il était insatiable de renseignements, car leur supposant parfois un sens plus précis qu'un nom, il eût désiré savoir ce qu'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employée. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à quia, etc. Et dans quel cas déterminé il pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant aux noms de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, Il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif qu'il pensait suffisant pour lui valoir des explications qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru, que c'est à lui qu'on a obligation, était peine perdue avec lui. Il prenait tout au pied de la lettre. Quel que fût l'aveuglement de Madame Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que, quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernhardt, lui disant pour plus de grâce « Vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûre que vous avez déjà souvent entendu Sarah Bernhardt, et puis nous sommes peut-être trop près de la scène. » Le docteur Cottard, qui était entré dans la loge avec un sourire, qui attendait pour se préciser ou pour disparaître, que quelqu'un d'autorisé le renseignât sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet, on est beaucoup trop près et on commence à être fatigué de Sarah Bernhardt. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi, vos désirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. » Que ne ferait-on pas pour vous être agréable, vous êtes si bonne ? » Et il ajoutait « Sarah Bernhardt, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas ? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas ?» Dans l'espoir de commentaires qui ne venaient point. « Tu sais, avait dit Madame Verdurin à son mari, je crois que nous faisons fausse route quand par modestie nous déprécions ce que nous offrons au docteur. C'est un savant qui vit en dehors de l'existence pratique. Il ne connaît pas par lui-même la valeur des choses et il s'en rapporte à ce que nous lui en disons. Je n'avais pas osé te le dire, mais je l'avais remarqué, répondit M. Verdurin. Et au jour de l'an suivant, au lieu d'envoyer au docteur Cottard un rubis de 3 000 francs en lui disant que c'était bien peu de choses, M. Verdurin acheta pour 300 francs une pierre reconstituée en laissant entendre qu'on pouvait difficilement en voir d'aussi belle. Quand Madame Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée M. Swann, « Swann !» s'était écrié le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle prenait toujours plus au dépourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpétuellement préparé à tout. Et voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann ! Qui ça, Swann ?» hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain quand Madame Verdurin eut dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé !»« Ah, bon, bon, ça va bien !» répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez Madame Verdurin parce qu'il le supposait amoureux d'Odette et qu'il aimait à favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages !» confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. « J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. » En disant au Verdurin que Swann était très smart, Odette leur avait fait craindre un ennuyeux. Il leur fit, au contraire, une excellente impression dont, à leur insu, sa fréquentation dans la société élégante était une des causes indirectes. Il avait en effet, sur les hommes même intelligents qui ne sont jamais allés dans le monde, une des supériorités de ceux qui en ont un peu vécu, qui est de ne plus le transfigurer par le désir ou par l'horreur qu'il inspire à l'imagination, de le considérer comme sans aucune importance. Leur amabilité, séparée de tout snobisme et de la peur de paraître trop aimable, devenue indépendante, à cette aisance, cette grâce des mouvements de ceux dont les membres assouplis exécutent exactement ce qu'ils veulent, sans participation indiscrète et maladroite du reste du corps. La simple gymnastique élémentaire de l'homme du monde tendant la main avec bonne grâce au jeune homme inconnu qu'on lui présente, et s'inclinant avec réserve devant l'ambassadeur à qui on le présente, avait fini par passer, sans qu'il en fût conscient, dans toute l'attitude sociale de Swann, qui, vis-à-vis de gens d'un milieu inférieur au sien, comme étaient les Verdurin et leurs amis, fit instinctivement montre d'un empressement, se livra à des avances dont, selon eux, un ennuyeux se fut abstenu. Il n'eut un moment de froideur qu'avec le docteur Cottard. En le voyant lui cligner de l'œil et lui sourire d'un air ambigu avant qu'ils se fussent encore parlé, mimique que Cottard appelait « laisser venir », Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour s'être trouvé avec lui en quelque lieu de plaisir, bien que lui-même y alla pourtant fort peu, n'ayant jamais vécu dans le monde de la noce. Trouvant l'allusion de mauvais goût, surtout en présence d'Odette, qui pourrait en prendre une mauvaise idée de lui, il affecta un air glacial. Mais quand il apprit qu'une dame qui se trouvait près de lui était Madame Cottard, il pensa qu'un mari aussi jeune n'aurait pas cherché à faire allusion devant sa femme à des divertissements de ce genre, et il cessa de donner à l'air entendu du docteur la signification qu'il redoutait. Le peintre invita tout de suite Swann à venir avec Odette à son atelier. Swann le trouva gentil. « Peut-être qu'on vous favorisera plus que moi ?» dit Madame Verdurin, sur un ton qui feignait d'être piqué. « Et qu'on vous montrera le portrait de Cottard ?» Elle l'avait commandé au peintre. « Pensez bien, Monsieur Biche, » rappela-t-elle au peintre, à qui c'était une plaisanterie consacrée de dire « monsieur », à rendre le joli regard, le petit côté fin, amusant de l'œil. « Vous savez que ce que je veux surtout avoir, c'est son sourire. Ce que je vous ai demandé, c'est le portrait de son sourire. » Et comme cette expression lui sembla remarquable, elle la répéta très haut pour être sûre que plusieurs invités l'eussent entendue. Et même, sous un prétexte vague, en fit d'abord rapprocher quelques-uns. Swann demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami des Verdurin, sa niette, à qui sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valu sa science d'archiviste, sa grosse fortune et la famille distinguée dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consonnes qu'il ne pouvait prononcer figuraient comme autant de dureté dont il était incapable. En demandant à être présenté à M. Sagnette, Swann fit à Mme Verdurin l'effet de renverser les rôles, au point qu'en réponse, elle dit en insistant sur la différence « Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre amie Sagnette ?» Mais excita chez Sagnette une sympathie ardente que d'ailleurs les Verdurin ne révélèrent jamais à Swann, car Sagnette les agaçait un peu et il ne tenait pas à lui faire des amis. Mais en revanche, Swann les toucha infiniment en croyant devoir demander tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué, elle avait le visage excessivement rouge comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle s'inclina devant Swann avec respect, mais se redressa avec majesté. Comme elle n'avait aucune instruction et avait peur de faire des fautes de français, elle prononçait exprès d'une manière confuse, pensant que si elle lâchait un cuir, il serait estompé d'un tel vague qu'on ne pourrait le distinguer avec certitude, de sorte que sa conversation n'était qu'un graillonnement indistinct, duquel émergeaient de temps à autre les rares vocables dont elle se sentait sûre. Swann crut pouvoir se moquer légèrement d'elle en parlant à M. Verdurin, lequel, au contraire, fut piqué. « C'est une si excellente femme, » répondit-il. « Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante, mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause seule avec elle. » « Je n'en doute pas, » s'empressa de concéder Swann. « Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente. » ajouta-t-il en détachant cet adjectif, et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, dit Monsieur Verdurin, je vais vous étonner. Elle a écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu ? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur ? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, Monsieur Swann ? Mais ce sera un bonheur, commençait à répondre Swann, quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que, dans la conversation, l'emphase, l'emploi de formes solennelles était suranné, dès qu'il entendait un mot grave dit sérieusement, comme venait de l'être le mot bonheur, il croyait que celui qu'il avait prononcé venait de se montrer prudomesque. Et si, de plus, ce mot se trouvait figuré par hasard dans ce qu'il appelait un vieux cliché, si courant que ce mot fût d'ailleurs, le docteur supposait que la phrase commencée était ridicule et la terminait ironiquement par le lieu commun qu'il semblait accuser son interlocuteur d'avoir voulu placer, alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. « Un bonheur pour la France !» s'écria-t-il malicieusement en levant les bras avec emphase. Monsieur Verdurin ne put s'empêcher de rire. « Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là ? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas !» s'écria Madame Verdurin. « Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence » ajouta-t-elle sur un ton dépité en faisant l'enfant. Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tînt aux fleurs et aux bonbons qui, du moins, se détruisent. Mais elle n'y réussissait pas. Et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé de prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et pour le plus grand désespoir de Monsieur Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité. Elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau qu'une taie commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n'eût eu que le temps de cacher un spectacle indécent, ou de parer à un accès mortel, plongeant la figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Cependant, Monsieur Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, « Ici, on ne se gêne pas, on est entre camarades », priait le jeune artiste de se mettre au piano. « Allons, voyons, ne l'ennuie pas, il n'est pas ici pour être tourmenté !» s'écria Madame Verdurin. « Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi !»« Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie ?» dit Monsieur Verdurin. « Monsieur Swann ne connaît peut-être pas la sonate en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. »« « Oh non, non, pas ma sonate !» s'écria madame Verdurin. « Je n'ai pas envie, à force de pleurer, de me ficher un rhume de cerveau avec névralgie faciale, comme la dernière fois. Merci du cadeau, je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bons, vous autres. On voit bien que ce n'est pas vous qui garderez le lit 8 jours. » Cette petite scène qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sa sensibilité musicale. Ceux qui étaient près d'elle faisaient signe à ceux qui, plus loin, fumaient ou jouaient aux cartes de se rapprocher, qu'il se passait quelque chose, leur disant, comme on fait au Reichstag, dans les moments inintéressants, « Écoutez, écoutez !» Et le lendemain, on donnait des regrets à ceux qui n'avaient pas pu venir en leur disant que la scène avait été encore plus amusante que d'habitude. « Eh bien, voyons, c'est entendu, » dit M. Verdurin. « Il ne jouera que l'andante. »« Que l'andante, comme tu y vas !» s'écria Mme Verdurin. « C'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si dans la 9e, il disait « Nous n'entendrons que le final. » ou dans les maîtres, que l'ouverture. » Le docteur, cependant, poussait Madame Verdurin à laisser jouer le pianiste. Non pas qu'il crût fin les troubles que la musique lui donnait, il y reconnaissait certains états neurasthéniques, mais par cette habitude qu'ont beaucoup de médecins de faire fléchir immédiatement la sévérité de leurs prescriptions, dès qu'est en jeu, chose qui leur semble beaucoup plus importante, quelques réunions mondaines dont ils font partie et dont la personne à qui ils conseillent d'oublier pour une fois sa dyspepsie ou sa grippe est un des facteurs essentiels. « Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez !» lui dit-il en cherchant à la suggestionner du regard. « Et si vous êtes malade, nous vous soignerons !»« Bien vrai !» répondit Madame Verdurin, comme si devant l'espérance d'une telle faveur il n'y avait plus qu'à capituler. Peut-être aussi, à force de dire qu'elle serait malade, y avait-il des moments où elle ne se rappelait plus que c'était un mensonge et prenait une âme de malade. Or ceux-ci, fatigués d'être toujours obligés de faire dépendre de leur sagesse la rareté de leurs accès, aiment se laisser aller à croire qu'ils pourront faire impunément tout ce qui leur plaît et leur fait mal d'habitude, à condition de se remettre entre les mains d'un être puissant qui, sans qu'ils aient aucune peine à prendre, d'un mot ou d'une pilule, les remettra sur pied. Odette était allée s'asseoir sur un canapé de tapisserie qui était près du piano. « Vous savez, j'ai ma petite place, » dit-elle à Madame Verdurin. Celle-ci, voyant Swann sur une chaise, le fit lever. « Vous n'êtes pas bien là. Allez donc vous mettre à côté d'Odette. N'est-ce pas, Odette, vous ferez bien une place à Monsieur Swann ?»« Quel joli Beauvais !» dit avant de s'asseoir Swann qui cherchait à être aimable. « Ah, je suis contente que vous appréciez mon canapé !» répondit Madame Verdurin. « Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beau, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. » Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures, tenez là, la petite vigne sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessiné ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois qu'il le savait plutôt, dessiné. Est-elle assez appétissante, cette vigne ? Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. Qu'est-ce que vous avez tous à rire ? Demandez au docteur. Il vous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau. Moi, je fais ma petite cure de Beauvais. Mais, monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Est-ce assez doux comme patine ? Mais non, à pleine main, touchez-les bien. Oh, si Madame Verdurin commence à pelouter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, dit le peintre. Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, dit-elle en se tournant vers Swann, on nous défend à nous autres femmes des choses moins voluptueuses que cela. Mais il n'y a pas une chair comparable à cela. Quand M. Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi... Allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien. Voyons, docteur, je vous prends à témoin, est-ce que j'ai dit quelque chose ? Swann palpait les bronzes par politesse et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser, dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger.